اوكي اوكي انا بيس على بالك ماك شو طالع زوت الفرمه dans les eaux de Formentera pas très loin de la Jonquera on boit de la vodka en terrasse il fait 40 degrés on a pris de tes max je suis dans les eaux de Formentera pas très loin de la Jonquera on boit de la vodka en terrasse il fait 40 degrés on a pris de tes max dans la rue c'est chaud ça prend des 10 ans faire viens voir à Marseille ici on vit l'enfer tu veux des clients y'en a des filles charbon de coq c'est chaud avec la financière de bosse bar sugar zéro jaune ça fait un petit tour t'es max pour en carbone quand tu me parles poteau ça résonne soit tu es un DG ou sinon j'ai ton phone j'ai vu des trucs de fou dans le bank c'est la délinquance c'est la yacht c'est le hef y'a beaucoup de monde dans le bain c'est comme ça la France la richesse ou la hesse j'suis dans les eaux de Formentera très loin de la Jonquera on boit de la vodka en terrasse il fait 40 degrés on a pris de tes max je suis dans les eaux de Formentera pas très loin de la Jonquera on boit de la vodka en terrasse il fait 40 degrés on a pris de tes max dans la rue c'est chaud ça prend des 10 ans faire viens voir à Marseille ici on vit l'enfer tu veux des clients y'en a des files entières charbon de coq c'est chaud avec la financière ils sont tous tombés dans la bassesse chouffe le bas de caisse c'est le dernier classesse occupe-toi un peu de tes fesses qu'est-ce qui t'arrive poteau on dirait un SS j'ai pas compris il se prend pour Tony il a ses ratchets un peu il a trop vu Scarface là je crois qu'il est en début de tirage plus qu'il a tête tu parles seul dans la tête je suis dans les eaux de Formentera pas très loin de la Jonquera on boit de la vodka en terrasse il fait 40 degrés on a pris de tes max je suis dans les eaux de Formentera pas très loin de la Jonquera on boit de la vodka en terrasse il fait 40 degrés on a pris de tes max dans la rue c'est chaud ça prend des 10 ans faire viens voir à Marseille ici on vit l'enfer tu veux des clients y'en a des files entières charbon de coq c'est chaud avec la financière dans les eaux de Formentera pas très loin de la Jonquera on boit de la vodka